catégoriser, quantifier, caractériser la mondialisation, je précise. On parle ici, on a beaucoup parlé des différentes mondialisations, de celles des grandes découvertes. Il y a aussi la mondialisation de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Là, il s'agit de la mondialisation contemporaine, la dernière, celle qui est en cours actuellement, c'est-à-dire la mondialisation comme étape, dernière étape du capitalisme sous sa forme néolibérale, qui a commencé dans les années 80 et 90. Et en tant qu'économiste, on a une double difficulté. Vous savez que l'évolution, de la pensée économique, je ne dis pas la science économique, ces, 30 dernières années, a plutôt été vers une ultra-spécialisation des champs de recherche des économistes, vers des modèles et des sujets de plus en plus pointus. Or, la mondialisation, quoi de plus vaste? Et pourtant, les économistes s'occupent de la mondialisation. Donc, on a déjà un petit peu un grand écart de ce point de vue-là, d'une discipline qui n'a fait que restreindre ces sujets d'intérêt au cours des dernières décennies et qui se trouvent tout d'un coup confrontés à un objet qui est le plus vaste qu'on puisse imaginer. Bon, pour autant, il me semble que l'économie en tant que discipline a une certaine antériorité dans l'étude de la mondialisation par rapport à d'autres disciplines des sciences humaines, disons qu'on s'y intéressait très vite. L'autre difficulté, compte tenu justement de l'amplitude du sujet, c'est précisément de la caractériser. Dès lors qu'on essaye d'échapper à l'image, au préjugé d'une mondialisation rouleau-compresseur qui serait quasiment achevée et qui serait parvenue à homogénéiser l'ensemble de l'espace économique mondial, on est amené à introduire des différenciations, c'est-à-dire à distinguer le domaine dans lequel s'exerce cette mondialisation. Mondialisation commerciale, par ouverture des échanges internationaux, mondialisation productive, par extension du rôle des entreprises multinationales, mondialisation financière, mondialisation technologique, et je ne parle pas évidemment de ce dont il a été question tout à l'heure, mondialisation culturelle, du savoir, etc. Donc tous ces champs sont interconnectés, évidemment, mais en même temps différents, distincts, et à des degrés d'avancement différents les uns des autres. On peut considérer, par exemple, que c'est probablement la mondialisation financière qui est la plus avancée, mais que pour ce qui est du reste, la production, les échanges, la technologie, eh bien, on est encore dans quelque chose de beaucoup plus hétérogène, de beaucoup plus contradictoire. Alors, à partir de là, ma collègue et moi-même, nous nous sommes trouvés confrontés, enfin à deux, nous avons plutôt été amenés à confronter deux axes de questionnement sur lesquels nous avions travaillé de façon privilégiée l'une et l'autre, les entreprises mondiales, les entreprises à dimension mondiale, les grandes firmes multinationales d'une part, c'est là-dessus que Dominique Mertens avait surtout travaillé, et les politiques publiques, les politiques des États, mais aussi les politiques des grandes institutions internationales, des organisations supra-étatiques ou inter-étatiques, c'est surtout là-dessus que j'avais travaillé. Donc on a dans un premier temps, d'où notre titre, la mondialisation entre stratégie des firmes et politique des États. On a dans un premier temps été amené à regarder finalement qu'est-ce qui pouvait dominer et quelles modalités prenait la mondialisation économique envisagée sous l'un ou l'autre de ces axes, pour s'apercevoir assez rapidement qu'évidemment, on aurait pu s'en douter dès le départ, on s'en doutait d'ailleurs, il n'était pas possible d'envisager l'un sans l'autre et que l'objet de l'étude, et en particulier si on s'intéresse à la quantification, si on s'intéresse à la mesure, si on s'intéresse à la mise en évidence des sources de connaissances, eh bien c'est l'articulation entre les deux, c'est-à-dire la façon dont les multinationales, les entreprises ne peuvent pas faire sans les États et inversement, les États ne font plus sans les multinationales et donc les différentes modalités d'articulation de ces deux axes étant l'objet principal de l'étude, mais montrant en même temps, on va s'en apercevoir, un certain nombre de limites pour être mesurées, pour être véritablement quantifiées. Alors, le premier point quand même, si on fait un peu un état des lieux, les moteurs de la mondialisation, entreprises ou États. Alors, ce qui a été quand même identifié assez vite par un grand nombre de chercheurs en économie depuis une bonne trentaine d'années, à la fois sur le plan factuel et sur le plan théorique, sur le plan, la façon dont ça a fait avancer la théorie, le domaine de l'économie internationale, c'est le rôle structurant justement des firmes multinationales dans la mondialisation, dans la configuration de l'espace mondial. Alors d'abord, en ce qui concerne les localisations de la production, les implantations, les choix de localisation des firmes multinationales n'ont cessé de modifier la division internationale du travail. Par exemple, ça fait quand même plusieurs décennies qu'un grand nombre de pays en développement ont cessé d'être exclusivement exportateurs de produits primaires non transformés. Et on oublie aussi trop souvent que les premiers exportateurs de matières premières, ce sont les pays industrialisés, et ce ne sont pas les pays en développement, et au premier chef les États-Unis. Et donc les délocalisations et les transferts, les investissements directs étrangers à l'étranger des firmes multinationales, eh bien, ont contribué dans une très large mesure au cours des 30 dernières années à bouleverser, à modifier cette division internationale du travail, même si, comme on l'oublie trop souvent, les premiers destinataires, les premières localisations destinataires des investissements directs étrangers, ce sont d'abord les pays industrialisés et non pas les pays les plus pauvres. Alors l'exemple du secteur des télécommunications qui a été étudié par Dominique Mertens, eh bien, nous montre qu'à partir des bouleversements technologiques dans ce secteur, de l'apparition des nouvelles technologies au cours des 20 ou 30 dernières années, eh bien, ce secteur s'est d'emblée configuré comme un secteur organisé à l'échelle internationale par les grandes firmes sur la base de la privatisation et de la déréglementation de ce qu'était auparavant très souvent des secteurs publics, des grandes entreprises publiques dans les différents pays, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Alors tout ça n'est pas sans lien et ça constitue une articulation entre ce qu'on pourrait appeler la mondialisation commerciale et la mondialisation productive avec les flux d'échange de biens et services, résultant de ce qu'on appelle la fragmentation de la chaîne de valeur globale. Vous connaissez tous ces exemples, histoire d'un yaourt, histoire d'un jean, où on vous raconte comment votre yaourt, votre jean ou votre chemise va franchir l'ensemble de la planète dans les différents segments de sa conception, de sa fabrication et de son assemblage, puis de sa commercialisation. Eh bien, tout cela qui résulte évidemment de la stratégie productive des firmes multinationales va générer des flux d'échanges qui pour la plupart relèvent de ce qu'on appelle le commerce captif, c'est-à-dire le commerce interne aux firmes multinationales qui ne peut pas toujours être capté par les statistiques des balances des paiements. Donc un bon tiers de ces flux d'échanges mondiaux échappe aux statistiques des balances des paiements, relève d'une organisation interne des multinationales et n'existe que parce qu'il y a cette fragmentation de la chaîne de valeur globale. Alors, le problème, justement, je viens de le dire, c'est un problème au niveau méthodologique de mesure, c'est-à-dire que la source principale et presque unique qui existe pour mesurer cette mondialisation, ce sont, à travers les balances des paiements, les flux d'investissement direct étrangers. Et aujourd'hui, avec la montée en puissance des firmes réseaux, vous savez qu'une entreprise comme Nike ne possède quasiment aucune unité de production en Asie. Tout passe par des contrats de sous-traitance, des licences, des accords de licence, etc. Donc, des formes d'internationalisation qui ne passent pas par des relations de propriété et qui ne vont donc pas. Je cite Fabienne Boudier notamment qui a étudié cela de façon récente, qui ne vont donc pas être appréhendées par les statistiques traditionnelles des flux d'IDE. Alors, de ce point de vue-là, des tentatives ont été faites pour essayer d'élargir l'emprise statistique de la connaissance de la mondialisation, notamment en étudiant les liaisons financières entre entreprises qui occupent une place de plus en plus grande à travers ce que certains économistes appellent des cœurs financiers nationaux, c'est-à-dire la façon dont des axes, des accords financiers entre des entreprises vont se constituer par des prises de participation, par toute une série de formes de liaisons financières. Alors j'ai ici un petit schéma, mais vous n'allez sûrement pas voir grand-chose. Mais ce que montre ce schéma, donc sur le schéma de droite, vous avez une série de très grandes entreprises. Donc au milieu, vous avez AXA, Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan Chase & Co. À l'extérieur, vous avez Crédit Suisse, Deutsche Bank, UBS, Lehman Brothers, évidemment, c'était avant. Et donc, vous avez des banques. Et donc, ce que montre, et vous avez toute une série, une espèce de toile d'araignée, hein, je crois que c'est le mot, qui vous montre les liens financiers, les liens capitalistiques entre ces institutions financières et quelques-unes des principales entreprises mondiales. Donc, tout à l'extérieur, vous voyez, ce sont des banques, hein, Goldman Sachs, Bernstein, donc tout ça, c'était avant la crise, Bank of America, etc. Au milieu, vous avez différentes entreprises et à gauche, vous avez la formalisation des points qui représentent des entreprises et des liens qui existent entre elles. Donc, les points rouges, ce sont les entreprises et l'espèce, encore une fois, de toile d'araignée vert, eh bien, ce sont les différents liens. Alors, on a beaucoup de mal à lire ce genre de graphique dans le détail, hein, mais ce qui est important, c'est que tout se passe comme si on avait une toile d'araignée des liens financiers et productifs entre les différentes grandes entreprises qui se superposaient à l'espace économique mondial et notamment à l'espace des États-nations, des frontières nationales, et qui, ce faisant, contribuent à le reconfigurer. Donc, une des questions qui peut se poser, et on en arrive donc à la question du rôle des États en tant que gouvernement, en tant que puissance publique, et du rôle des États en tant qu'État-nation, c'est de savoir ce qu'il en reste, c'est de savoir si on va, mais avec tout ça, vers une homogénéisation de l'espace économique mondial, vers une réduction à l'impuissance des États et une disparition des frontières nationales, ou vers des formes de polarisation et de reconfiguration un petit peu plus complexes. Alors, dans ce rôle structurant des firmes multinationales, sur le plan théorique, la grille de lecture en termes d'organisation a pris de plus en plus d'importance. C'est ce qu'on appelle en économie le paradigme OLI, ownership, donc propriété, localization, internalization. Alors, internalization, ça veut dire le fait d'internaliser les coûts de production, c'est-à-dire c'est l'époque où il y avait toute une série d'absorptions, hein, de fusions, et la firme va absorber en de l'amont à l'aval une grande partie des activités pour justement économiser un certain nombre de coûts pourrait faire peser le fait de passer des marchés à l'extérieur. Donc ça, c'est une logique d'organisation où on remplace des relations marchandes par des relations d'organisation. J'ai parlé tout à l'heure du commerce captif, donc une partie du commerce international qui se situe de façon totalement interne, organisée, on pourrait presque dire planifiée, à l'intérieur des entreprises. On assiste aujourd'hui au mouvement inverse. On assiste à un mouvement d'externalisation dans la mesure où, au contraire, beaucoup d'entreprises se recentrent sur leur cœur de métier, se débarrassent d'une partie de leurs activités, les externalisent et, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont passer par des contrats de sous-traitance, des accords de licence, bref, des accords commerciaux. Parce qu'à ce moment-là, elles vont estimer, au contraire, que leur coût d'organisation, en termes de taille, en termes de bureaucratie, etc., etc., vont l'emporter sur les coûts de passation des marchés. Donc tout ça, c'est je dirais l'arrière-plan théorique, hein. Mais ce qui est important, c'est de considérer quand même que les firmes, les entreprises multinationales, ce ne sont pas des marchés. Ce sont des organisations hiérarchisées, planifiées, etc. Et la théorie néoclassique standard, la théorie de la concurrence pure et parfaite, n'a aucun outil pour analyser les entreprises. Il n'y a pas d'entreprise dans la théorie néoclassique. C'est une chose quand même qu'il faut bien arriver à rappeler. On a besoin de penser des organisations, des institutions, pour arriver à penser le rôle de ces firmes. Alors, par ailleurs, ça serait aussi une erreur de penser qu'aujourd'hui, les localisations sont uniquement guidées par la minimisation des coûts de production et notamment des coûts salariaux. Bien entendu, c'est quelque chose qui joue un grand rôle, mais s'il n'y avait que ça, on ne comprendrait pas pourquoi toutes les entreprises ne se dirigent pas finalement vers les pays les plus pauvres. Ça n'est pas le cas, il y a une assez grande polarisation des flux d'investissement direct étranger dans le monde et à l'intérieur des pays en développement, c'est quand même plutôt vers les pays à revenus intermédiaires qu'elles se dirigent. Et un certain nombre d'économistes, notamment un économiste de l'université d'Evry qui s'appelle Mood, a été analysé ce fait en le mettant en relation avec l'évolution des formes d'organisation du travail et notamment l'évolution du taylorisme, qui n'a pas disparu, loin de là, mais qui, malgré tout, s'est reconfiguré, et les nouvelles formes d'organisation flexible font appel à un certain nombre de prérequis en termes de qualification de la main-d'œuvre, en termes de proximité des localisations, par exemple le juste à temps, hein, qui peuvent dans certains cas relativiser la seule recherche des coûts les plus faibles. Alors on va voir que ça a une conséquence sur l'efficacité plus ou moins grande des politiques des États qui cherchent à attirer chez eux des investissements étrangers, des firmes multinationales. Alors les États, il me reste combien de temps ? Un peu plus de 5 minutes. Les États là-dedans, eh bien il y a quand même une idée, je dirais, qui apparaît au premier abord et à laquelle, dont il va falloir en grande partie se débarrasser, même si elle comporte bien entendu un élément de vérité. Bon, bah, c'est qu'on parle de mondialisation libérale, on parle de déréglementation des marchés, de privatisation des entreprises publiques. On voit l'extension du libre-échange commercial par le biais de l'Organisation mondiale du commerce, et par extension, j'entends à la fois plus de pays, hein, la Chine évidemment, et d'autres pays sont rentrés dans l'OMC, mais aussi plus de domaines, hein, de l'activité économique et sociale qui rentre dans les négociations de l'OMC, la propriété intellectuelle, les investissements, etc. La mondialisation financière, comme je l'ai dit, le niveau le plus avancé de la mondialisation, et globalement, une tendance qui peut apparaître comme, peut-être qui donne l'impression d'être irrésistible, comme la mise en concurrence de tous les systèmes productifs et sociaux à l'échelle de la planète. Alors c'est une tendance, comme je l'ai dit. Et de cela, est-ce qu'il résulte une tendance à l'homogénéisation de l'économie mondiale et à la disparition des frontières nationales ? Alors en voulant dépasser donc ce parallélisme et mettre en évidence l'articulation de ces deux axes, le rôle des entreprises et celui des États, nous avons, constaté les points suivants. D'abord, j'ai parlé tout à l'heure de la façon dont les États cherchent à attirer, les gouvernements plus exactement, cherchent à attirer les investissements étrangers chez eux, les politiques, les firmes multinationales. C'est ce qu'on appelle les politiques d'attractivité. Alors, ces politiques d'attractivité, elles peuvent être de deux ordres. Elles peuvent être de l'ordre du dumping, dumping fiscal, dumping social, dumping environnemental, le cas extrême de tout ça étant évidemment les zones franches qui, on le sait, ne sont pas réservées aux pays en développement. Bon, elles peuvent au contraire développer des politiques d'attractivité, on pourrait dire vers le haut, hein, c'est-à-dire essayer d'attirer les investissements des firmes internationales par la qualification de leur main-d'œuvre, la qualité de leurs infrastructures, notamment. Bon. Les deux sont souvent contradictoires. Bon. Dans l'ensemble, ce qu'on a pu observer jusqu'à présent, c'est que les politiques d'attractivité ont plutôt tendance, qu'il s'agisse des pays du Nord ou des pays du Sud, à se placer du côté du dumping. Bon. Mais en même temps, leurs résultats sont contradictoires, justement parce que, comme on vient de le voir, les déterminants de la localisation des firmes multinationales apparaissent de plus en plus complexes, c'est-à-dire combinent à la fois les exigences de minimisation des coûts, et notamment des coûts fiscaux, des coûts de main-d'œuvre, etc., et les exigences de qualification, de proximité, de flexibilité, de polyvalence, etc. Alors, ça signifie, hein, que c'est, bon, j'ai fait une étude par exemple sur ce qu'on appelle au Mexique les maquiladoras de la deuxième et de la troisième génération, c'est-à-dire qu'on a eu la première génération de maquiladoras à la frontière nord qui était uniquement, hein, maquiladoras, ça signifie littéralement usine tournevis, bon, qui était au départ uniquement des entreprises nord-américaines qui fabriquaient en gros des vêtements, de l'électronique bas de gamme, etc., et faisaient appel à de la main-d'œuvre non qualifiée. Et progressivement, dans les années 80 et 90, on a vu apparaître une deuxième et une troisième génération de maquiladoras, qui n'étaient pas toutes situées d'ailleurs à la frontière du Rio Grande, qui faisaient appel à, dans l'automobile, dans la chimie, à des formes de production plus complexes, parfois flexibles, et à des emplois plus qualifiés, avec d'ailleurs une masculinisation, je dirais, de la main-d'œuvre. Donc la première génération de maquiladoras, ça existe toujours, bien sûr, hein, employant uniquement des jeunes femmes, et cette maquiladoras de type différent employant plus souvent des hommes. Donc, On a pu observer finalement que dans le cas du Mexique, qui en plus pour les États-Unis, alors il n'y a pas que des entreprises américaines, hein, mais qui pour exporter aux États-Unis en tout cas, présente l'avantage de la proximité, hein, ce qui n'est pas le cas d'autres destinations comme l'Asie de l'Est ou du Sud-Est, eh bien les entreprises peuvent se mettre en devoir de combiner des stratégies de minimisation des coûts de main-d'œuvre et des stratégies de flexibilité, de compétences, de qualifications, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas seulement rechercher un ouvrier ou une ouvrière non qualifiée moins cher, mais aussi éventuellement un technicien ou un ingénieur moins cher qu'aux États-Unis, donc en ayant à la fois la qualification et en même temps le différentiel de coût salarial. Donc on a une complexité croissante des déterminants de localisation des firmes multinationales qui fait que des politiques d'attractivité des gouvernements qui passent uniquement par le dumping, hein, eh bien, ne vont pas forcément avoir les effets attendus, surtout si ce dumping s'accompagne d'une dégradation des infrastructures, de la qualification de la main-d'œuvre, etc. L'autre idée à laquelle il faut faire attention, c'est que la notion de déréglementation, la notion de mondialisation libérale, peut donner l'idée que les États seraient réduits à l'impuissance, que la puissance publique, les gouvernements seraient réduits à l'impuissance, et que finalement, les marchés deviendraient tout puissants. Alors, l'exemple des télécommunications qui a été étudié par Dominique Mertens, comme je l'ai dit, nous montre, parmi d'autres, le contraire. C'est-à-dire qu'on a des États, des gouvernements qui sont extrêmement actifs dans la déréglementation ou la dérégulation, selon le terme qu'on emploie. Dérégulation, c'est plus le terme traduit de l'anglais. Mais ce qui est important, c'est que on a finalement des États qui sont au premier chef. Ce qu'on pourrait appeler un régulateur qui dérégule. On observe dans le cas des télécommunications, à l'échelle nationale, des agences qui sont à la fois dans les différents pays hein, qui ont participé à cette déréglementation des télécommunications, des agences qui sont à la fois des agences gouvernementales auxquelles participent des représentants de l'État et des représentants du secteur privé. C'est la même chose au niveau de l'Union européenne et c'est la même chose au niveau mondial, avec le rôle central de l'UIT, donc l'Union internationale des télécommunications, qui est un acteur de premier plan, mais c'est une organisation interétatique, qui est un acteur de premier plan dans la déréglementation de ces secteurs. On a des États qui mettent en place des partenariats publics-privés. On a, en gros, ce qu'on pourrait appeler un État néolibéral qui n'est évidemment pas l'État qu'on connaissait antérieurement, État producteur, hein, dans le cas des entreprises nationales, État redistributeur, voire État planificateur, mais un État qui agit par incitation, hein, dont le rôle qu'il s'arroge est de délivrer les bonnes incitations en direction des agents privés, et qui surtout, quand on se pose la question des nouvelles régulations dans le cadre de la mondialisation, est un État, on le voit dans le cas d'une instance interétatique comme l'Union européenne, est un État qui cherche avant tout à organiser la concurrence hein, de façon à assurer la concurrence des marchés à l'échelle internationale la plus poussée possible. Donc il faut vraiment se débarrasser hein, de cette idée d'un État qui serait réduit à l'impuissance face au marché, qui serait réduit à l'impuissance face aux firmes multinationales, parce que l'exemple concret des modalités de la déréglementation d'un secteur tel que celui des télécommunications, mais on pourrait multiplier les exemples, nous montre au contraire une imbrication extrêmement étroite et un rôle très actif des États dans cette déréglementation et donc dans la configuration de cette mondialisation. Et à partir de là, on va s'apercevoir que la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, loin de passer par une homogénéisation de l'espace mondial, eh bien, va se traduire par de nouvelles formes de polarisation. J'ai dit tout à l'heure que les investissements directs, étrangers, les liens financiers, etc., n'allaient pas se diriger de façon homogène vers l'ensemble des pays de la planète, mais se concentraient d'abord dans les pays les plus riches, y compris à l'intérieur des pays en développement, et des processus de divergence qu'on observe aujourd'hui, y compris et à travers le phénomène d'apparition de nouvelles économies émergentes. Donc, pour conclure, on voit que cette question de l'articulation du rôle des entreprises et des États est une question centrale dans l'étude économique de la mondialisation, et en même temps, si on se pose des problèmes de quantification, de mesure, de construction d'indicateurs, C'est une question à laquelle on va, enfin, qui va présenter un certain nombre de difficultés, et on voit bien que pour y répondre, on en est quand même réduit à des études de structure, à des études de cas, hein, davantage qu'à de grandes bases de données macroéconomiques qui, la plupart du temps, risquent de laisser échapper l'essentiel.